me tarde tant que ce jour vienne, quand le facteur va m'apporter avis d'imposition que je vois en baisse et que je t'ai commandé. Tes grands souliers, les grèves, les manifs sont passés, les gueux retournent à leur boulot, toi tu as déjà commencé à flinguer leurs acquis sociaux. Au patron des grandes entreprises, tu réserves bien des surprises, et quand on sera sur nos nouveaux yachts entièrement défiscalisé, on chantera ta gloire d'une voix très haute pour ce que tu nous as octroyé. Petit Emmanuel, tu es descendu du ciel avec ton projet financier. J'oublierai à tes grands souliers, petit Emmanuel. L'abonnement à ma chaîne est gratuit et te donne droit à une exonération totale de l'impôt sur la fortune. Alors profites-en. Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour cette émission calendrier des esclavages et des libérations. Alors au programme de ce soir, eh bien Edgar Morin nous parlera de la prose de la vie, hein, résister à la prose de la vie. Edgar Morin est un philosophe qui est archi connu et qu'on entend de temps en temps sur les chaînes de télévision. Les radios un peu moins peut-être, encore que. Le Média, cure contre la langue de bois. Le Média est une chaîne de télévision libre, libre que Radio Guémozo, hein, vous rendez compte un peu, quelle chance on a. Cure contre la langue de bois. Ensuite, Hugo Bernalicis, de la France Insoumise, face à Roselyne Bachelot. Ah oui, Roselyne Bachelot et Hugo Bernalicis. Eh ben, Adrien Quatennens, de la France Insoumise aussi, tiens, coïncidence. Le chômage tue. Il nous l'a déjà dit, mais je crois qu'il va nous le répéter. Musique, Paso de Olas del Danubio, Monsieur le Premier Ministre, le peuple vous demande de céder, hein, dit-on. Ensuite, Le Média, répression syndicale, licencié pour l'exemple. Mathilde Panot nous parlera du tourisme, le tourisme sanitaire, entre guillemets, le tourisme sanitaire, et puis les discours politiques de Victor Hugo. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et puis une bonne semaine, à vendredi prochain peut-être. Au revoir. Calendrier des esclavages et des libérations. Nous sommes le 25 novembre. À la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine, dit le proverbe. Eh bien, le 25 novembre 1832, par exemple, en France, un an après la révolte des Canuts, l'écho de la fabrique écrit au sujet de leur mort, « Dormez en paix, victimes de novembre, que la terre vous soit légère, votre sang a fécondé le sol où doit naître l'arbre, de l'émancipation des prolétaires. » Ainsi soit-il. 1919, Espagne. Environ 25 000 ouvriers du bâtiment sont en grève à Barcelone. La fédération patronale décide de le lock-out pour le 6 décembre. 1922, Italie. Mussolini acquiert les pleins pouvoirs pour un an. Une dictature fasciste d'un quart de siècle commence. une dictature fasciste d'un quart de siècle commence. 1938, France. La direction de Renault décrète le lockout touchant 28 000 ouvriers. 1973, Grèce. Suite à l'explosion populaire, le président Papadopoulos est renversé par l'armée. 1975, Portugal. Les forces militaires basculent non seulement contre le Parti communiste, mais contre l'ensemble du mouvement populaire. 1982, Vatican. Dans l'enquête sur la tentative d'assassinat de Jean-Paul II, un ressortissant bulgare est arrêté. Une polémique internationale s'engage sur l'hypothèse du rôle joué par le KGB dans cet attentat. 1983, Grande-Bretagne. Grève totale dans la presse nationale. 1984, Uruguay. Élection présidentielle qui met fin au régime militaire instauré en 1973. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une traversée du siècle, celle d'Edgar Morin qui publie en cette rentrée « Les souvenirs viennent à ma rencontre » chez Fayard. Sociologue et bien plus, ancien résistant, communiste, théoricien de la pensée complexe, auteur du « Paradigme perdu » puis de la méthode en 77, publié en 6 volumes, ou encore de « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Il est connu dans le monde entier où il est appelé régulièrement à donner conférences et colloques. Il n'a jamais caché aussi son attachement attachement à toutes les formes d'art, la littérature, la peinture, la musique et surtout le cinéma, cet art de la complexité, comme il le définit dans un livre paru encore récemment. À 98 ans, il raconte des épisodes de sa vie qui ont compté, les rencontres qui l'ont marqué, les penseurs comme Kant et Hegel, ou plus contemporains comme Cornelius Castoriadis qui l'ont influencé, ou encore Pierre Bourdieu qui l'a contrarié. Bref, il se laisse gagner par le souvenir, des réminiscences et non des mémoires. Bonjour à vous, Edgar Morin. Bonjour. Avec une vie de recul, comment vous qualifieriez le XXe siècle, celui qui vous a vu naître ? Ben vous savez, le XXe siècle a été un siècle quand même de deux guerres mondiales, est un siècle qui a vu deux religions terrestres très violentes, l'une très particulariste, dominatrice, qui était le nazisme, et l'autre plus universaliste, communisme, qui a été une religion vécue comme telle par des millions de personnes. C'est un siècle extrêmement tourmenté. Bien entendu, il a vu un certain nombre de progrès techniques, économiques, scientifiques énormes d'ailleurs. Bon, c'est un siècle complexe, mais enfin un siècle terrible. Qu'est-ce qui qualifierait ou qu'est-ce qui le différencierait du XXIe siècle qui l'a suivi ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, à vos yeux, de nouveaux périls, de nouvelles idéologies et de nouveaux espoirs ? Il est vrai que la suite, l'effondrement, si vous voulez, des idéologies et des systèmes totalitaires a donné un grand nombre d'espoirs qui se sont trouvés déçus. Et je pense que les périls nouveaux qui commençaient déjà à pointer dès le XXe siècle se sont déployés. Ces périls, c'est bien entendu ceux qui menacent notre biosphère. C'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est pas seulement la dégradation de la biodiversité, c'est pas seulement la déforestation comme en Amazonie, c'est aussi tous nos sols livrés à l'agriculture industrielle qui sont stérilisés et qui nous donnent des produits insipides ou parfois même dangereux, c'est la pollution de nos villes, et en plus, vous avez un monde livré à une économie déréglée dont on ne sait pas si elle ne va pas rentrer à nouveau en crise. Vous avez un monde où l'unification technique et économique n'a pas du tout fait une communauté de destin entre les peuples et les cultures. Au contraire, on se referme soi-même sur sa propre culture, sa propre identité. On n'a pas pris conscience de l'ensemble des périls. Les fanatismes se multiplient. Un peu partout, des États néo-autoritaires arrivent au pouvoir et il y a une crise mondiale de la démocratie. Bref, si vous voulez, c'est un siècle qui se présente un certain nombre de dangers, pas du tout du même type, mais peut-être parfois plus immenses, puisqu'ils vont couvrir l'ensemble de la planète Terre. Vous affirmez et affichez aujourd'hui votre sensibilité écologiste. Alors le XXIe siècle sera-t-il celui de l'écologie ? Ça, c'est une question qui reste encore ouverte. Hier, communiste, aujourd'hui, écologiste, c'est des sensibilités contradictoires. Mais vous savez, j'étais un communiste de guerre, c'est-à-dire je suis entré dans la résistance et en même temps dans le Parti communiste en 1942 et j'ai été désabusé dès les années 48-49, 50. Donc c'est un épisode très important de ma vie, mais très court, et que dès les années 50, je n'appartiens à aucun parti. Et alors, bien entendu, l'écologie pour moi n'est pas une sorte de dogme. Pour moi, l'écologie doit être intégrée à une grande pensée politique sur l'humanité. Parce que aujourd'hui, le problème n'est pas seulement de sauvegarder la nature extérieure, c'est de voir que nous sommes menacés de l'intérieur par notre mode de vie, notre mode de consommation, notre mode de circulation, notre façon d'être soumis à la dictature du profit et qui est contraire, disons, à la possibilité de régénérer la planète. Donc, si vous voulez, je suis un indépendant, je me définis de gauche, mais pas du tout à la façon des partis officiels de la gauche, à ma façon, à moi. Et donc, voilà, l'écologie, non, je dirais qu'aujourd'hui, mon souci principal, c'est le destin de l'humanité sur la planète Terre. et dont, évidemment, l'écologie est un des problèmes. Alors, opposer la fin du mois et la fin du monde, comme certains l'ont fait, est-ce que c'est pour vous un contresens aujourd'hui? Est-ce qu'on peut réconcilier ces deux ambitions et ces deux finalités? Mais vous savez, le problème du mois, c'est que dans nos sociétés occidentales et occidentalisées, le légitime développement de l'individualisme et de l'autonomie individuelle, de la responsabilité de son propre destin, de son mariage ou de sa carrière, ce sont des conquêtes. Mais l'envers de ces conquêtes, ça a été la refermeture individualiste sur l'égoïsme, ça a été la destruction des solidarités qui existaient au préalable et qui n'ont été remplacées que par une solidarité bureaucratique chez nous, la Sécu. C'est-à-dire que concrètement, quand quelqu'un tombe dans la rue, dans le temps, on se précipitait pour l'aider, pour le rassurer. Ici, maintenant, les gens passent en disant c'est au SAMU de s'en occuper ou à la police. Donc, si vous voulez, il y a une dégradation. Et pour moi, je pense qu'être pleinement humain, c'est à la fois s'épanouir comme individu, mais toujours dans une communauté, dans une fraternité, à commencer par la famille, et aujourd'hui, élargie à toute l'humanité. Mais il ne va pas si bien, notre collectif, aujourd'hui, Edgar Morin. Et vous l'avez vous-même souligné au moment du mouvement des Gilets jaunes. Vous aviez vu dans ce mouvement une crise de foi, une crise de foi dans les institutions, dans les partis, dans la démocratie. Ce n'est pas un aveuglement, c'est une quête de remède que la société, aujourd'hui, le système tel qu'il est, n'apporte plus. Mais vous savez, c'est que le grand problème, c'est qu'il y a un vide de la pensée politique, que la pensée politique s'est progressivement réduite à l'économie et que l'économie s'est progressivement réduite à une conception qu'on appelle néolibéralisme, qui pense que simplement le profit et le marché et la richesse vont ruisseler naturellement s'il y a un développement de la croissance. Or, ce genre d'idée, évidemment, me semble tout à fait erroné. Et dans ces conditions-là, la tragédie, c'est qu'il n'y a pas une conscience, une pensée capable d'affronter les grands problèmes fondamentaux de notre nation, qui sont en même temps ceux de l'Europe, qui sont en même temps ceux de la planète. C'est ce vide intellectuel qui s'est manifesté d'ailleurs en France dans la désintégration des partis de gauche et dans la sclérose du parti de droite, ou dans la possibilité de ce qu'on appelle bêtement populiste, c'est-à-dire des tendances un peu néo-autoritaires et hyper-nationalistes. Ça, c'est, voilà, on vit une tragédie actuellement. Ça, c'est les symptômes de cette crise de la démocratie, hein. Mais quels en sont les remèdes pour vous ? Alors, les remèdes, pour moi, vous savez, ce ne sont pas des solutions qu'on tire de sa poche. Les remèdes, c'est qu'il faut, c'est un long chemin. D'abord, il faut repenser la politique. Il faut proposer une nouvelle voie. Il faut une nouvelle voie cohérente et qui donne un certain espoir. Non pas un espoir d'un monde merveilleux, mais d'un monde meilleur ou moins terrible. Donc, il faut une repenser politique. Bien entendu, nous voyons en France et un peu partout dans le monde un bouillonnement d'initiatives dans le sens des solidarités multiples, dans le sens d'une économie sociale et solidaire, dans le sens d'une agriculture fermière ou écologique. Nous voyons beaucoup de mouvements, d'aspirations. Et les Gilets jaunes ont été une des expressions d'aspiration. Mais je pense qu'il y a un long chemin à faire. Il n'y a pas de solution immédiate. Ce que je souhaiterais, c'est qu'un pays comme la France puisse donner l'exemple d'une nouvelle voie. Et je l'attends. Vous l'attendez. Écologie, on en parlait avec vous, Edgar Morin. Vous n'êtes pas un converti sur le tard dès les années 70 aux côtés d'Ivan Illich et d'autres comme André Gorz, René Dumont. Vous avez sensibilisé et tiré la sonnette d'alarme sur ces questions. Vous vous êtes inquiété pour la situation du climat. Aujourd'hui, il y a des nouvelles figures, des nouvelles voix qui émergent, comme celle de la Suédoise Greta Thunberg. C'était en juillet dernier à l'Assemblée. Réécoutons-la. Certains leaders politiques dans certains pays commencent à parler, commencent à s'exprimer, à déclarer une urgence climatique et à poser des jalons pour aboutir à la neutralité carbone. Déclarer cette urgence climatique est une bonne chose, mais établir ces jalons très vagues et dire toutes ces choses nous donne l'impression que les choses sont en train d'être faites, que les actes sont posés, et cela risque d'être plus nuisible qu'autre chose, car nous savons que les changements ne sont pas à l'horizon. Pas plus en France qu'au Royaume-Uni, nulle part. Et je suis convaincue que le plus grand danger, ce n'est pas le fait d'être inactif. Le plus gros danger, c'est lorsque les entreprises, les politiques font semblant d'agir alors que rien n'est fait. Sauf, évidemment, de belles campagnes de presse et de belles campagnes de communication. Est-ce qu'elle a raison surtout pour vous, Edgar Morin, ou est-ce qu'elle est encore un peu une jeune pousse, un peu fraîche dans son raisonnement, Greta Thunberg ? Écoutez, c'est un raisonnement très sain. Cette prise de conscience d'une partie de la jeunesse est importante, mais je pense qu'il doit être poursuivi dans une repensée politique. Vous savez, prenez par exemple les grandes pensées politiques comme celle de Tocqueville ou celle de Karl Marx. Pendant longtemps, elles ont été solitaires. Il a fallu beaucoup de temps, par exemple, pour qu'à partir de la pensée de Marx vienne le premier parti social-démocrate allemand, etc. Autrement dit, il faut d'abord partir d'une pensée vraiment complexe qui prend conscience des grands défis dont, et qui, à ce moment-là, élabore la possibilité d'une voie nouvelle. Ça a commencé un peu en France avec des messages qu'ont fait Nicolas Hulot, par exemple, et M. Berger aussi. Mais je veux dire que nous sommes à un stade préliminaire. Nous ne sommes pas du tout, disons, à un moment important. Et d'ailleurs, la déclaration que vous venez d'entendre nous montre que il y a des paroles, mais c'est très difficile dans un monde où les nations ou les États sont mus par des intérêts égoïstes de trouver le sens de l'intérêt commun. C'est ça le problème clé. On n'a pas encore trouvé le sens de notre communauté humaine de destin, et sans qu'on l'a pas, on ne pourra pas avancer. On n'a pas non plus encore trouvé la voie. Pour reprendre le titre de l'un de vos ouvrages, Edgar Morin, on n'a pas trouvé encore la direction à prendre. Voilà, on n'a pas trouvé la voie, la nouvelle voie. Moi, j'ai essayé de la formuler justement dans l'ouvrage auquel vous faites allusion, mais c'est resté solitaire. Je veux dire que les politiques ne m'ont pas lu, il y a des gens qui m'ont lu, mais des citoyens comme vous et moi. Mais je veux dire que j'ai fait mon possible pour essayer d'aider à cette prise de conscience. Si je reprends juste la jeune figure de Greta Thunberg, vous comprenez la violence des réactions d'une partie de la classe politique et de l'opinion à son égard, voire à son encontre ? Eh bien écoutez, ça tient à l'aveuglement parce que c'est très difficile. Vous savez, on est dans une civilisation qui s'est fondée sur la séparation totale entre ce qui est humain et ce qui est naturel. Dieu a créé l'homme à son image, pas du tout. Paul a dit que seuls les hommes vont ressusciter et pas les animaux. Descartes a dit que les animaux étaient des pures machines et que nous, on avait une âme et un esprit. Bon, et puis alors, on a dit que notre civilisation doit dominer la nature et dominer le monde. Toutes ces idées sont fausses. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à vouloir de dominer la nature, on est en train de se suicider nous-mêmes. Mais pour comprendre, pour réaliser qu'on fait partie de ces natures tout en étant autre par notre humanité, notre esprit, notre culture, mais que nous avons un lien ombilical, c'est très, très difficile. Et dans le fond, c'est une longue marche. Et la question, c'est de savoir si la prise de conscience viendra au bord de l'abîme ou si elle risque de venir trop tard. C'est ça, la sagesse de l'homme de 98 ans, Edgar Morin. Est-ce que vous êtes sage, vous, d'abord ? Vous savez, je ne suis pas sage dans le sens où la sagesse serait d'être toujours très raisonnable. Je pense que la vie doit être un cocktail de passion et de raison. Je pense qu'il faut toujours avoir la petite lumière de la raison pour éclairer ses passions. Mais sans passion, on n'est rien. Et s'il n'y a pas la passion, disons, de vouloir le bien de l'humanité ou le bien de son pays ou le bien ou le salut d'autrui, à ce moment-là, on n'est rien du tout. Je pense donc, si vous voulez, que le mot sage, je ne l'accepte que si on accepte la part de folie qu'on peut mettre dans la sagesse. Une vie de rencontre, une vie de combat aussi, que vous racontez à travers cet ouvrage, Les souvenirs viennent à ma rencontre, qui paraît chez Fayard, Edgar Morin. Cette rencontre avec vos souvenirs, ça a provoqué des sensations agréables, parce que c'est quand même une manière de relire sa vie. Est-ce que ça s'est fait, cette relecture, cette rencontre avec vos souvenirs, dans un mouvement, une sensation chaleureuse ? Oui, parce que j'ai redonné une vie dans mon esprit, dans mon cœur, à des amis morts, et que dans le fond, je les ai provisoirement, enfin, d'une certaine façon, redonné cette vie artificielle qui est à travers le livre. Mais en l'écrivant, ce livre, j'ai eu beaucoup d'émotions, parce que ce livre n'a existé que parce qu'au début, je pensais rendre hommage à des êtres, des personnes que j'ai trouvées admirables dans la résistance, par exemple, et aussi dans d'autres conditions, et qui sont complètement ignorées et oubliées. Bien sûr, j'ai connu des personnes très connues, comme Mitterrand, comme André Breton, comme bon. Mais si vous voulez, la résurrection des amitiés vécues, des amours vécus, est quelque chose qui m'a satisfait. J'étais content de pouvoir cette chose-là, avec beaucoup d'émotion, bien entendu. Donc, d'une certaine manière, vous pourriez dire que vous avez bien vécu jusqu'ici, intensément, que vous avez eu pour l'instant une bonne vie. Mais si on parle de ces souvenirs qui remontent à la surface aujourd'hui, est-ce qu'il y en a que vous auriez préféré ne pas revoir, ne pas re-rencontrer, laisser enfoui ? C'est surtout le souvenir de mes négligences à l'égard de personnes qui ont été très bienfaisantes pour moi et pour lesquelles je n'ai pas assez bien manifesté ma reconnaissance. Ce sont beaucoup plus mes propres, disons, lacunes à moi que je regrette. Mais je ne peux pas regretter d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, puisque les événements ont commandé et pas moi. Il y a parfois, j'ai réagi avec un certain retard, mais je crois que j'ai évité surtout. Évité le. Ah, le téléphone sonne. Bon, mais tu peux Je crois que j'ai évité, si vous voulez, la dérive. J'aurais pu dériver, j'aurais pu devenir un communiste sectaire et fanatique. Je n'ai pas été. J'aurais pu dériver, j'aurais pu accepter les événements, vivre au jour le jour et de me foutre complètement de ce qui arrive dans le monde. Je ne l'ai pas été. Si vous voulez, ce que je crois, c'est que j'ai évité des dérives. Mais dans le fond, je ne suis pas un être parfait, j'ai des lacunes, j'ai des erreurs. Et dans le fond, ce que j'ai fait dans ce livre-là, ce n'est pas m'auto-statufié. Je montre que je suis un être qui vit aussi comme tout le monde, qui a ses petits côtés, ses petites obsessions, ses petites manies. Voilà, j'essaie de montrer que de tout ça. Vous entrez en 1950, Edgar Morin, à 30 ans, au CNRS. Est-ce que vous diriez que vous vous êtes, à ce moment-là, engagé en sociologie? Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la vocation pour vous, quand vous choisissez cette discipline? Non, l'ordre de la vocation, pour moi, était englobé la sociologie, mais était beaucoup plus vaste, puisque mon premier livre s'appelle « L'homme et la mort », et que dans le fond, c'est, disons, ce serait presque de l'humanologie qui n'existe pas, c'est-à-dire une science où, pour comprendre les attitudes humaines devant la mort, je suis obligé de puiser le savoir de disciplines extrêmement diverses, multiples et compartimentées les unes par rapport aux autres. Donc, si vous voulez, c'était ça, ma vocation, que j'ai continuée. Et la sociologie, il y a toujours un aspect sociologique dans ce que j'ai écrit. Il y a certaines études qui sont sociologiques, comme la rumeur d'Orléans ou d'autres, mais la sociologie n'est qu'un aspect de, pour moi, ce qui est la science, la connaissance de l'homme. Vous allez mener dans les années 60 une étude transdisciplinaire sur une commune en Bretagne, Edgar Morin, Plozévet, où vous avez séjourné pendant un an, qui donnera lieu à un livre, Commune en France, la métamorphose de Plodémet en 67. 10 ans plus tard, un peu plus même, Antoine Dumayet est retourné à la rencontre des habitants de la petite commune. Et voilà ce qu'il disait. Ils évoquaient quand même une certaine déception et amertume pour certains qui s'étaient sentis un peu spolier, le sentiment d'une parole volée. Il y a quand même de grosses erreurs. Par exemple, M. Morin dépeignant le cimetière et disant que la seule tombe au cimetière n'ayant pas de croix, c'était celle du docteur Sartre. Il y en a d'autres. Il y a la tombe de mon mari à côté qui n'a pas de croix. Et bien d'autres encore. Et déjà, ils nous traitaient de bolcheviques. Quoi, nous sommes plus bolcheviques que les autres, non? Parce que nous sommes dans un pays ici que quoi, on est tous communistes, quoi, plus ou moins, quoi. Presque tous, au moins, quoi. Il a donné une image de Plozévet assez exacte, mais il n'avait pas raconté ce qu'il a raconté, puisque les gens ont cru que c'était la suite toujours de l'enquête faite par le Musée de l'Homme. Alors, ce n'était pas le cas. Alors, il prétend être venu à Plozévet pour le CNRS, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'il en a fait un roman. C'est peut-être pas un roman, moi. Pas tout à fait un roman. Pour pas mal de personnes, il est considéré comme un roman. Il a trompé un peu, donc. Je pense. Je l'avais déjà dit à l'émission de M. Picton, ici. Pour moi, c'était un abus de confiance, puisqu'il n'avait pas prévenu qu'il allait éditer un livre sur l'enquête qu'il faisait. Et je maintiens mon point de vue. Ils n'ont pas compris l'esprit breton. Et peut-être pas l'esprit breton, mais l'esprit de Plozévet n'est pas, par exemple, n'est pas le même que celui de Poudrezic, ni celui de Pont-l'Abbé. Et s'ils ne l'ont pas compris, c'est peut-être parce que vous ne leur avez pas expliqué. Voilà, un reportage qui était diffusé une dizaine d'années après, en 76, sur la chaîne des régions, sur France 3 aujourd'hui. Vous diriez que vous vous êtes trompé à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises dans vos différentes enquêtes? Ou est-ce que c'est tout le décalage, la perception entre les gens, la parole des enquêtés et le regard du sociologue? Écoutez, moi, je suis resté un an vivant dans un pentis, c'est-à-dire dans une petite maison sur terre battue à Plozévet, vivant parmi les gens. Je crois que, à part une erreur de chiffre, je n'ai fait aucune erreur. Ce qui m'a été reproché à l'époque, c'est-à-dire que les officiels, vous voyez, ce n'était pas un livre de compliments pour leur propre gestion municipale, que je montrais que le parti blanc, alors que c'était le parti rouge, avait fait des choses intéressantes chez les jeunes agriculteurs. Je n'ai fait aucune indiscrétion sur la vie sexuelle des gens et sur tout ça. J'ai fait un peu allusion, disons, au problème de l'alcoolisme, mais je n'ai pas du tout insisté. Mais ce que je veux dire, c'est que la municipalité, il y a une dizaine d'années, la nouvelle municipalité m'a fait citoyen d'honneur. Je veux dire que des malentendus peuvent rester. Mais toute cette campagne qui a été menée contre moi, à ce moment-là, auprès de braves gens qui avaient l'impression que je les espionnais, que toute cette campagne s'est progressivement dissoute. Bien entendu, il peut rester des choses. Ce que vous donnez, c'est 10 ans après. Mais là, moi, je peux vous montrer que je suis citoyen d'honneur et que le maire m'a honoré. Ouais. Et que, voilà. Vous a nommé citoyen d'honneur. Cette séquence, cette expérience, vous la racontez hein, dans cet ouvrage, les souvenirs viennent à ma rencontre pour montrer aussi les quiproquos qui peuvent naître de certaines enquêtes. Ce qui est important, c'est le sens et la valeur de la parole qu'on vous confie, hein, comment ne pas la trahir. Vous avez dû toute votre vie prendre cette parole et lui donner sens. Comment vous la percevez? Comment vous percevez cette confiance qui vous est faite quand on vous confie une parole, Edgar Morin? Vous savez, le problème pour moi est d'essayer de ne pas donner à connaître ce que cette parole peut avoir de privé et de personnel. Mais parfois, quand elle avait un sens... Alors, je vais vous donner un petit exemple. Dans mon livre, je dis que dans le temps, quand un garçon ratait le bac, on le réprimandait. Et que maintenant, quand il le ratait, on le consolait en lui offrant un vélo ou une petite moto. C'est-à-dire une petite évolution dans les mœurs. Bon, j'avais ça relevé dans un ou deux cas. Et comme c'était un cas assez général, les gens ont dit « Mais comment sait-il tout ça ? Comment a-t-il pu savoir ?» Ils avaient l'impression, donc, après que je m'étais introduit comme le diable boiteux à l'intérieur de leur domicile. Et sinon, je crois qu'aujourd'hui, vous pouvez voir tous les représentants de Plosevet et du reste qui continuent à estimer que mon livre est un livre historique pour eux, pour leurs anciens, et qui a une valeur même, disons, historique. Parce que c'est un livre sur la transition qui a transformé une France rurale en une France modernisée, avec tout ce que ça comporte. Autre période historique sur laquelle vous vous attardez dans ce livre qui paraît chez Fayard, Edgar Morin, « Les souvenirs viennent à ma rencontre », c'est mai 68. Vous avez toujours été, et vous l'assumez, un sociologue du temps présent. Aujourd'hui, en 2019, comment vous interprétez ou réinterprétez cette époque-là à l'heure où l'héritage de mai 68 est largement remis en cause par certains, de Jean-Pierre Le Goff à Brice Couturier encore, notre chroniqueur éditorialiste qui vient de publier un 1960 9 années fatidiques. Oui. C'est-à-dire que c'était un phénomène aux aspects tellement multiples qu'on pouvait faire plusieurs interprétations. Mais ce qui s'est passé, c'est que la grande illusion qui est née après 68, qui est née même dès 68, notamment chez les maoïstes, chez les trotskistes, chez ceux qui étaient parmi les meneurs du mouvement, était qu'une révolution était en préparation. Et dans les textes que j'ai faits, et que j'ai faits aussi avec mes amis Claude Lefort et Castoriadi sur mai 68, j'ai dit que ce n'était pas une révolution, c'était une brèche dans notre civilisation, que peut-être ça préfigurait des aspirations futures. Autrement dit, le diagnostic que j'ai fait sur mai 68 était exact. Maintenant, les conséquences de mai 68 se sont dévoilées progressivement dans les années suivantes. C'est surtout l'échec des aspirations, l'échec de la croyance en la révolution qui a fait que cette retombée et que beaucoup de ces leaders révolutionnaires se sont installés dans le monde tel qu'il est et ont accepté de redevenir des bourgeois normaux ou anormaux. Donc, si vous voulez, moi, je considère que mai 68 reste un moment très important parce que c'est une éruption totalement inattendue à l'époque, que je crois que j'ai fait d'analyse, et qu'après, on peut voir les aspects négatifs, les aspects positifs, et la polémique reste ouverte. C'est comme la Révolution française, vous savez, c'est pas éteint tout ça. Et l'interprétation aussi, puisque vous n'avez cessé d'interpréter et réinterpréter cette période-là. Alors, dans ce recueil, on croise aussi des figures féminines qui vous ont marqué, bien sûr, celle de votre mère, à qui vous avez déjà consacré un roman, L'île de Luna, écrit il y a 70 ans, qui était publié assez récemment et dont vous étiez venu nous parler. Mais on retrouve aussi le visage de l'écrivaine Marguerite Duras, avec laquelle vous avez vécu en communauté à la fin des années 40 et été des amants virtuels, puisque rien ne s'était passé. Et puis, on voit aussi dans ce recueil l'importance pour vous du cinéma dans votre vie. Et c'est intéressant de comparer la démarche du cinéaste à celle du sociologue. On va y retourner rapidement avec un extrait de Chronique d'un été, un film que vous avez co-réalisé avec Jean Rouch, sorti en 1961, où vous posiez la question à des personnes d'âge et de milieux très différents, la question du bonheur. Êtes-vous heureux ? Est-ce que vous êtes heureux ? Presque. Et toi ? Presque. Alors, qu'est-ce qui manque ? Oh, j'ai honte de le dire. De l'argent. Et toi ? De faire ce que je voudrais faire. C'est-à-dire ? Me livrer à ce qui m'intéresse. Eh bien, mais ça revient au même, parce que si on avait de l'argent, il pourrait se livrer à ce dont il a envie. Enfin, Bon, alors maintenant, tu es heureuse en quoi? Mais... Bah, j'estime que malgré tout, je suis assez gâtée pour la vie, parce que j'aime mon mari, j'aime mon fils. J'ai une situation, une petite situation, mais qui me plaît. Pour moi, le travail, c'est du temps perdu. D'accord, mais tu te souviens, tu as milité, on militait au même parti, on aspirait à une autre vie. Oui, bien sûr. Alors on met une croix là-dessus. Hélas, les idéaux ne sont pas toujours réalisables et même pas souvent réalisables. Voilà, la question du bonheur, Edgar Morin, elle était centrale dans les années 60, elle est encore aujourd'hui et j'imagine pour vous aussi. Alors est-ce que vous êtes heureux? Mais moi, je ne peux pas répondre directement à cette demande parce que pour moi, le bonheur, ce sont des périodes ou des moments de la vie. Non, pour moi, le plus important, c'est l'aspect poétique de la vie, c'est-à-dire l'aspect de communion, de ferveur, d'admiration, d'amour, tout ça. Et ça, j'essaye de le vivre toujours et pleinement. Pour moi, c'est ça le sens de la vie. Et ce sentiment poétique peut me donner le bonheur, mais peut me donner aussi du malheur quand je perds la personne aimée qui meurt ou qui disparaît. Donc, si vous voulez... Ma vie est une succession de moments merveilleux d'épanouissement et de moments tragiques, de pertes, de douleurs, d'amis. D'abord, commencer par la main de ma mère. Donc, si vous voulez, on ne peut pas mettre l'étiquette heureux globalement sur quelque chose. Non, j'ai des moments de tristesse, de douleur, de révolte. Et puis, j'ai des moments d'émerveillement, de joie. Notamment de communion amoureuse avec ma compagne Sabah, ou de communion intellectuelle avec elle aussi. Donc, si vous voulez, le problème, c'est résister à la prose de la vie qui vous envahit de tous côtés avec la quantification, le calcul, le profit, et toutes ces choses-là, l'asservissement à des règles de travail de plus en plus contraignantes, de plus en plus bureaucratisées. C'est résister à la prose de la vie et essayer de trouver la poésie de sa propre vie. C'est ça mon idée. Merci beaucoup à vous, Edgar Morin. Les souvenirs viennent à ma rencontre, vient de paraître chez Fayard. Merci d'être venu autour de cette grande table. Thank you. Je m'appelle Franck Lepage. J'ai travaillé pendant quelques dizaines d'années dans le champ de l'animation socioculturelle et dans le champ de l'éducation populaire. Et puis, à la suite d'un licenciement, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais devenir et qu'est-ce que j'allais faire. J'ai ramassé tout ce que j'avais vécu depuis des années et des années et j'en ai fait une espèce de conférence vaguement théâtrale. Et ça a donné la première conférence gesticulée. Alors, une conférence gesticulée, qu'est-ce que c'est ? Une conférence, qu'est-ce que c'est ? Une conférence, c'est un expert qui nous délivre son savoir, ce qu'il a compris, ce qu'il a travaillé. Et puis nous, on est là et on reçoit ça et ma foi, on en fait ce qu'on peut. Voilà. Une conférence gesticulée, c'est tout sauf un expert. C'est-à-dire c'est monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui a été assistante sociale pendant une trentaine d'années qui décide de ramasser ses 30 ans d'expérience et d'en faire un objet public, politique, partageable et de nous dire voilà ce qui s'est passé dans ce que j'ai fait pendant 30 ans. Le fait de décider de transformer ce qu'on a vécu en un savoir politique, le fait de décider qu'on a tous un savoir politique, c'est ce qui enfreint la séparation entre ceux qui sont supposés savoir et ceux qui sont autorisés à recevoir ce savoir. Et donc, conférence gesticulée, voilà, c'est ça. Gesticulée étant une blague. L'éducation populaire, ça n'est pas l'éducation du peuple. L'éducation populaire, c'est une forme d'éducation dont la forme est populaire. C'est une éducation qui est populaire dans sa forme, dans sa manière de faire. Et en l'occurrence, c'est la façon de s'instruire mutuellement, politiquement. C'est-à-dire de partager nos expériences de la vie, de ce que nous avons compris, de la façon dont on nous opprime, dont on nous domine, et d'échanger là-dessus un certain nombre d'informations et de fabriquer entre nous de la culture utile pour l'action collective. C'est ça l'éducation populaire. On pourrait dire éducation politique, mais les deux termes sont malvenus. On voit tout de suite la différence avec l'éducation nationale. L'éducation nationale, précisément, c'est l'éducation du peuple. C'est-à-dire, on prend une population, on considère qu'elle ne sait rien et on va lui expliquer ce qu'elle est supposée savoir. L'éducation nationale, c'est la démocratisation des valeurs de la bourgeoisie. C'est tout à fait différent. On a tous vécu cette chose-là. On sait tous le nombre d'heures totalement inutiles qu'on a passées sur des bancs à s'ennuyer du matin au soir en attendant le prof un peu différent des autres qui d'un seul coup nous a réveillés parce qu'il ne faisait pas cours, parce qu'il ne suivait pas le programme et parce qu'il nous parlait de la société comme un adulte normal. Et là, d'un seul coup, on trouvait ce type absolument extraordinaire. On trouvait que c'était un bon prof. Mais je crois que tout est dit sur ce que c'est que l'école, ce que c'est que la pédagogie Freinet, ce que devrait être l'école, ce qu'elle n'est pas, voilà. La prophétie de George Orwell se trouve réalisée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on nous a peu à peu supprimé tous les mots négatifs du vocabulaire qui nous permettait de nommer négativement le capitalisme et donc de le penser négativement, et qu'on ne les remplace par des mots positifs. À partir du moment où on n'a plus que de la pensée positive, on n'est plus en démocratie, puisqu'on ne peut plus penser les contradictions du capitalisme. À partir du moment où on ne peut plus nommer quelqu'un un exploité, mais qu'on est obligé de l'appeler un défavorisé, cette personne n'est plus victime d'un exploiteur, c'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on commence à se défendre, sauf que nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui nous n'avons pas encore inventé les moyens de nous défendre contre du langage positif. Comment est-ce qu'on se bat contre la démarche qualité ? Vous êtes contre la qualité, vous ? Démarche qualité, c'est des gens qui se suicident aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises, puisque c'est pas une démarche qualité, c'est une démarche productivité, bien sûr. Comment est-ce qu'on se bat contre l'harmonisation des diplômes, contre l'autonomie des universités, tous ces jolis mots qui sont en fait des horreurs extraordinairement oppressives. Comment on se bat contre l'excellence? Comment on se bat, voilà. Eh ben, on sait pas. On sait pas, et donc les syndicats sont complètement coincés dans des effets de langage. Quand un licenciement collectif s'appelle désormais un plan de sauvegarde de l'emploi, eh ben allez vous battre contre un plan de sauvegarde de l'emploi quand vous êtes un syndicat. Et donc voilà, donc on s'est dit qu'il fallait rapidement qu'on mette en place des ateliers pour inventer la façon de se défendre contre ce vocabulaire, et c'est ça que sont les ateliers de désintoxication de la langue de bois.

débat sur l'immigration fait rage et est sorti, ressorti, je dirais, ce matin, l'idée de ces quotas d'immigration. La France insoumise y est farouchement opposée à la notion de quotas d'immigration. Est-ce qu'on peut néanmoins laisser la porte béante au flux migratoire, Hugo Bernalicis ? Non, on ne peut pas laisser la porte béante au flux migratoire, mais vous savez, l'angle mort de toute cette réflexion, tout comme l'entretien d'Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles, hein, sur les questions migratoires, c'est finalement pourquoi les gens bougent. On finit par en oublier les raisons pour lesquelles les gens s'en vont. Comme s'ils s'en allaient comme ça, sur un coup de tête, et qu'il fallait accueillir des vagues de gens qui déferlent. Déjà, il n'y a pas de vagues. Hein, il suffit de regarder les chiffres pour se rendre compte que c'est une très maigre proportion de la population quand c'est ramené à la population du pays, encore plus quand on le ramène à la population européenne. Et d'ailleurs, quand on ramène à la population européenne, finalement, nous, on est moins touchés que d'autres pays européens. Donc, si on ne traite pas les causes, on sera tout le temps en train de s'embrouyer sur comment on fait pour bien accueillir les gens. Qu'est-ce que vous appelez traiter les causes ? Ben, les causes d'immigration, il y en a plusieurs. Vous savez, il y a les guerres, déjà, premièrement. Est-ce qu'on a à voir avec les guerres qui ont lieu ici ou là, notamment au Moyen-Orient, notamment en certaines régions d'Afrique. Quand on parle quota d'immigration, on ne parle pas asile. Les gens qui fuient la guerre, de toute façon, ils ne sont pas concernés par les quotas. Ben, là, j'espère bien. Ce sont des quotas économiques. Ah oui, voilà. Mais vous et moi, on peut le penser, on peut le souhaiter. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que vous avez des zones où il y a des conflits, qui ne sont pas considérés comme étant des pays en guerre, en fonction de la région dans laquelle vous venez d'Irak, par exemple, vous pouvez être considéré comme venant d'une zone sûre, d'un pays tiers sûr, et donc être renvoyé quand même chez vous, alors que c'est globalement la guerre sur place. Mais c'est subtil ce que je suis en train de raconter. C'est des cas concrets de gens moi, que je peux rencontrer dans ma permanence ou d'associations qui viennent me voir, où on renvoie des gens dans leur pays alors que leurs pays sont en guerre. L'asile, on a tellement restreint les critères pour avoir le droit d'asile, qu'on finit par même renvoyer des gens qui, vous et moi, oui, si on avait la situation qui était présentée sur le plaçons, plateau, vous leur donneriez... Plaçons-nous dans la problématique. La question économique. Parlons du problème économique, voilà, c'est ça, et du quota, parce qu'on entendait quand même certaines personnes dire, est-ce que finalement, faire des quotas selon les besoins de notre pays, ce qui est légitime, après tout, on peut dire, il y a des poches d'emploi qui ne peuvent pas être remplies par les citoyens qui habitent ou les personnes qui habitent sur le territoire national. Après tout, c'est pas illégitime d'en appeler à ces quotas économiques. Par métier, par branche d'ailleurs. Ça suscite un débat qui dépasse largement la majorité. Oui, alors c'est Yannick Jadot qu'on a entendu ce matin à la radio. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Les yeux au ciel, on va réécouter ce qu'il dit, Yannick Jadot, qui a priori n'est pas dans une opposition systématique, en tout cas sur ce sujet-là. On va l'écouter. Et si ça nous permet de sortir du fantasme que nous sommes envahis et que notre société a besoin de migrants économiques, que souvent ces histoires de migration sont des histoires de succès, sont des histoires de réussite, sont des histoires qui, selon toutes les études, créent de l'activité et de l'emploi dans notre pays. À ce moment-là, si c'est dans cette perspective-là, c'est intéressant, il faut en débattre. Est-ce que c'est une fracture entre Yannick Jadot et vous dans la perspective de futures alliances électorales, c'est pas très confortable. Déjà, tout le monde ne dit pas ça à Europe Écologie Les Verts, et fort heureusement, premier point. Bon, alors là aussi, ils se disputent. Bien ça. Non, mais premier point. je le vois, c'est tout. Moi, je pense que, vous savez, on ne combat pas le Front National en appliquant son programme. Voilà, j'ai cette conviction sincère et profonde. On ne combat pas le Front National en appliquant son programme. Voilà. Mais il ne s'agit pas de combattre le Front National, le Rassemblement National. Si, parce que le but, c'est d'essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. J'ai peut-être sauté un point, une étape dans la discussion, puisqu'on sait très bien qu'en tout cas, c'est l'objectif du chef de l'État. D'accord, de latéraliser avec le Front National, de dire c'est un sujet, il ne faut pas le laisser au Front National, donc il faut se l'approprier et traiter le sujet au fond. Sauf que lui, pour traiter le sujet au fond, il applique ce que propose le Front National. C'est quand même un peu bizarre, enfin, le Rassemblement National. Moi, je pense que c'est pas une histoire de quotas. Vous savez, déjà, aujourd'hui, l'immigration économique légale, comment ça fonctionne ? Vous demandez un visa pour arriver sur le territoire et vous devez prouver que vous avez une promesse d'embauche. Vous volez pas le boulot de quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc ça se passe déjà comme ça, y compris par branche de métier, certains gros industriels qui vont démarcher à l'étranger de la main-d'œuvre, en plus du travail détaché. Hein ? Bon, tout ça existe déjà. Mais de quoi on parle ? De quoi on parle ? D'être plus dur et d'avoir des critères encore plus sélectifs, alors que déjà aujourd'hui, pour la migration économique irrégulière, c'est ça dont on parle. C'était pas ça, c'était de remettre à jour ces fameuses listes qui disent voilà, dans tel corps de métier, on a besoin de monde, dans tel corps de métier, on a besoin de monde, et qu'on se retrouve pas avec un médecin guinéen qui soit obligé d'aller travailler sur des chantiers parce que c'est juste là-dessus qu'il trouve du boulot. C'est ça, en fait, la thématique de ce qu'on a compris. En général, le médecin guinéen, il va trouver un boulot de médecin parce qu'on est en galère. En tout cas, ce que disait le médecin guinéen, il reste en Guinée d'ailleurs. Parce qu'on a besoin de médecins en Guinée. Parce que quand on voit qu'il y a plus de médecins béninois en Île-de-France qu'il y en a au Bénin, c'est un peu du pillage de ressources humaines. Mais pourquoi le fait qu'on se dise il manque de la main-d'œuvre dans tel domaine, pourquoi on ne se dit pas remettons de la formation professionnelle et de la formation initiale dans ces domaines ? Parce que bien souvent, on l'a détruite. Bien souvent, on l'a détruite parce que ces métiers ont été délocalisés, puis que finalement, on en a encore un peu besoin et qu'il n'y a plus personne et qu'il n'y a plus le bagage de formation, des outils de formation qui sont là. Et aussi parce qu'on paye mal les gens. Pourquoi les gens n'acceptent pas ces métiers ? Parce qu'on paye mal. Là, on est en train, désolé de faire des parallèles avec l'assurance chômage, mais en réalité, on dit, les gens avec les aides, ils touchent plus que s'ils travaillaient. Mais augmentez le SMIC, vous verrez que vous aurez résolu l'équation assez rapidement. Oui. Non, mais parce que du coup, la main-d'œuvre étrangère qu'on fait venir, elle est faite pour tirer vers le bas. Les salaires dans le pays. C'est quelque chose qui était évidemment défendu par le Parti communiste depuis 50 ans, en disant nous on refuse l'immigration parce que accepter les migrants, ça tire les salaires vers le bas. Ça, c'est classique comme argumentation. C'est une réalité économique. C'est paradoxal. C'est pas un argument. Vous devriez refuser l'immigration en tant que qu'elle tire les salaires vers le bas. Je suis que pour tout le monde soit payé de la même manière à travail égal. Vous savez bien que ce sera pas possible. Que celui, le français, soit mieux payé que le migrant qui vient faire le même boulot. Comment voulez-vous que le médecin ou l'ingénieur, qui effectivement a un salaire très très inférieur à celui qu'il pourrait toucher en France, comment voulez-vous qu'il n'accepte pas un salaire même médiocre en France, mais très confortable par rapport à son pays d'origine ? Et donc on en revient. En ouvrant la porte à l'immigration, vous tirez les salaires vers le bas. Regardez comment vous-même, vous faites le lien avec les causes d'immigration. S'il y a un budget qui n'a pas augmenté, ou en tout cas pas autant, qu'avait promis Emmanuel Macron, c'est l'aide publique au développement. Oui, mais vous savez bien que l'aide publique au développement favorise la migration. Ah bon ? Mais bien entendu, puisque qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on observe dans les flux migratoires ? C'est que ce sont les meilleurs, étant donné les difficultés qu'il y a, sont les gens qui ont de l'argent qui migrent. Et l'aide au développement, au contraire, facilite les flux migratoires. Ça dépend. Quand vous parlez de certains pays, certaines zones de l'Afrique, c'est pas les plus... Parce que quand il faut payer un passeur, le petit paysan qui est tout seul dans son village de brousse, il migre pas, lui. Hein. C'est l'ingénieur, c'est le médecin, ou c'est des gens qui ont des familles qui peuvent leur payer ce passage. Donc si on règle pas les causes des migrations, c'est sans fin, notre histoire. Surtout qu'en plus, là... Autant on se fait un débat là où il n'y a pas besoin d'en avoir parce que nous aurions les moyens d'accueillir dignement tout le monde et de trouver du boulot pour tout le monde. Moi, je vous dis que si demain, on prend la décision... D'ouvrir les frontières... Non, mais de faire une transition écologique et d'avoir une agriculture biologique 100% bio dans le pays. Il faut 600 000 bras supplémentaires. D'accord, 600 000 bras. On les a à l'heure actuelle ? Non, on les a pas. Donc, faut les former, faut les retrouver. Ce que vous dites, Hugo Bernalicis, c'est que s'il y a plein de secteurs d'activité comme ça. S'il met ce sujet-là sur le tapis, Emmanuel Macron, en fait, c'est un sujet qui n'est pas nécessaire. Ce que dit l'aile gauche de l'AREM, certains députés de l'aile gauche qui disent, attendez, il est en train de mettre ce sujet sur le tapis, c'est pas nécessaire, c'est pas un sujet de préoccupation des Français. En gros, c'est un peu électoraliste, quoi. Alors, c'est tout à fait électoraliste parce qu'il veut sanctuariser l'électorat de droite qu'il a capté pour les élections européennes. Ça, c'est très clair. Mais il y a un sujet. Moi, je suis pas là pour fermer les yeux sur les milliers de morts en Méditerranée. Vraiment. Je suis pas là pour faire ça. Le sujet, il est de la souffrance humaine au quotidien. Vous savez, hier, j'étais dans une association à Lille qui s'occupe des violences faites aux femmes. Il me disait que 80% des gens qui reçoivent en accueil de jour sont des personnes qui sont soit en situation, des femmes qui soit en situation irrégulière, soit en vue de le devenir. Parce que comme elles sont venues en France dans le cadre d'un rapprochement familial, si elles se font battre par leur mari et qu'elles quittent le domicile familial, alors elles n'ont plus de titre de séjour. Il y aura peut-être un dossier. Donc c'est soit je continue à me faire battre avec mon mari, par mon mari, et je garde mes papiers. On s'est gardé les situations inextricables. Ouais. Ça, c'est des vies. Il y aura peut-être un sujet sur le regroupement familial demain. On ne sait pas, mais ça, c'est alors, ce bruit. Ça. Justement, je voudrais passer peut-être au deuxième sujet qui nous préoccupe, enfin, qui sont dans le débat. C'est cette violence et violence urbaine à Chanteloup. Le Premier ministre avait qualifié d'imbéciles. Il avait dit que c'était des imbéciles. Des imbéciles malfaisants. Il y a eu toute une polémique. Je crois alors, qu'il voilà. a répondu. Il a été rattrapé un peu par la cavalerie à l'Assemblée ce matin parce qu'une députée des Républicains l'a interpellé là-dessus en disant « Vous avez minimisé, monsieur le Premier ministre, ce ne sont pas que des imbéciles, on va écouter sa réponse. » Lorsque j'ai évoqué une petite bande d'imbéciles, j'ai probablement utilisé une formule de style qui est une litote. Lorsque je dis qu'en posant la question de la façon dont vous la posez, vous mettez le sujet à la hauteur des enjeux, je pratique probablement l'antiphrase. Le choix du champ lexical est un choix qui appartient à chacun des individus. Peut-être sur vos bancs, il y a quelques années, on aurait parlé, plutôt que d'une petite bande d'imbéciles, de racailles. Peut-être que sur certains autres bancs, on aurait parlé de sauvageons. Et peut-être, madame la députée, avez-vous noté que le président du conseil départemental des Yvelines, un homme honorable, il est de votre parti, a parlé de crétins. Chacun utilise le terme lexical qu'il souhaite. L'important, madame la députée, ça n'est pas ce terme, ce sont les actes. Voilà. Bon, alors, il y a d'un côté, finalement, peut-être une minimisation, si on dit, c'est une sorte de jeu vidéo en dimension réelle que se livrent un certain nombre de bandes. C'est défendu par certains, cette idée. Et parce que ce sont des défis sur Facebook aussi. Voilà, hein, avec des défis sur Facebook entre la bande de Mantes-la-Jolie et la bande de Chanteloup. Et puis d'autres, au contraire, nous recevions des gens de la France insoumise, qui disent finalement tout s'explique par l'excuse sociale, alors qu'en fait il s'agit de criminalité. Caricaturé quand même. Comment? Caricaturé. Ah bah non, que c'était Manon Aubry. Manon Aubry. Ça y est, merci. Caricaturé parce que je pense que on fait tous un peu la part des choses déjà entre les actes qui sont condamnables, qui doivent être condamnés, et puis l'explication est explicitée pourquoi on en arrive là. Parce que si on le fait pas. On recommence, ça se répète, et puis tous les 3 mois, tous les 4 mois, il se passe ce qui s'est passé là, et on va faire un plateau télé pour dire, regardez, il y a de plus en plus de délinquance, regardez, ils sont de plus en plus jeunes, et regardez, il faut faire quelque chose. Bon, déjà dire premièrement que vous et moi sommes d'accord pour dire que le sujet dont nous traitons là n'a rien à voir avec le sujet précédent. Ah c'était l'autre sujet d'actualité. Je préfère que ce soit clairement dit. Je crois que c'était très clair. Bien sûr, alors c'est clairement dit. C'était tout à fait clair. Qu'est-ce qu'on a là sous les yeux? On a 3 ministres qui viennent sur place pour dénoncer quelque chose qui est odieux, de cramer comme ça un cirque, un outil culturel qui a été mis dans le quartier, justement pour remettre du service public, du lien culturel, du lien social, là où la mairie pensait qu'il n'y en avait plus. Oui, c'est crétin, imbécile, criminel, ce que vous voulez, la liste de ce que vient de faire le Premier ministre en rappelant les paroles des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années sur la question de la justice des mineurs, qui va être en débat, puisqu'il y a une ordonnance qui a été prise par la ministre Belloubet sur le sujet, qui sera débattue à l'Assemblée nationale en mai prochain. Qu'est-ce qu'on a fait? On a durci les sanctions pénales envers les mineurs. On a ouvert les centres éducatifs fermés, vous en savez quelque chose, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui était à la manœuvre pour pousser la mise en œuvre de ces centres éducatifs fermés. Et on est le pays d'Europe qui incarcère le plus et qui enferme le plus ces mineurs. Est-ce qu'il y a moins de faits de délinquance? Attendez, est-ce que cette politique et ces choix politiques ont produit des effets en termes de prévention de la délinquance et de prévention de la récidive? Oui, mais là, j'en suis même pas à la question de la justice. J'en suis. Il y a des gangs criminels. Il faut les appeler par leur nom. Je crois que maintenant, tout le monde est d'accord. Ce n'est pas un jeu vidéo. Je joue aux jeux vidéo et je ne crame pas des cirques. Donc, voilà. Et là, oui, non, mais je suis bien sûr. Non, mais je le dis parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se disent sur les jeux vidéo. Certainement. Certains font la comparaison avec un jeu vidéo en réel, avec une sorte de jeu. Je vois lequel. Bon, alors, ce sont des gangs criminels dont on connaît très bien l'origine et qui veulent anéantir, en fait, tous les efforts d'intégration et de réhabilitation dans ces quartiers, parce que ça ne les arrange pas. Ils veulent que le business, les forces de sécurité... Ça n'arrange pas leur business, il faut être clair. Alors si on veut parler et trafic... Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme politique qu'on parle publique trafic de stupéfiants. À partir de ce moment-là oui. Parce qu'on a le sentiment qu'on envoie des travailleurs sociaux qui parfois sont exclus, parce que la violence s'adresse non seulement aux policiers, je ne sais pas, c'est normal de s'attaquer aux policiers, mais on se dit, il y a des médecins... Il y a des infirmières, il y a des pompiers. Oui. Ces gens-là veulent pas, sont pas là dans une position de violence, au contraire, c'est dans une position d'aide aux gens, et on les attaque. Ils veulent voir disparaître l'État de ces zones. Ils ne veulent pas. Comment on fait? Les organisations criminelles, en général, ne sont pas très fans quand les services publics reviennent, quand l'État est là, sous toutes ses formes. Et voyez bien qu'ils ne se sont pas seulement attaqués aux policiers, mais bien à cette structure qui n'a rien à voir. On recevait le représentant des pompiers hier qui nous l'a très clairement décrit. Donc, comment on fait face à ça? De la répression. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait depuis 40 ans? Je reviens à mes questions présentes. Ok, en justice des mineurs, vous dites on n'en est pas encore à cette étape-là. En termes de répression, là, on vient de mettre en place l'OFAST, le nouvel office central de lutte contre le trafic de stupéfiants. Vous avez sans doute parlé sur votre antenne. Ça a été présenté il y a trois semaines, je crois. 55 mesures phares. Ben voilà. C'est quoi les 55 mesures phares? Il y a quand même des chiffres de trafic qui sont quand même... réduction du trafic de stupéfiants, notamment à Chanteloup, 50% de réduction du trafic de stupéfiants. Ah bon? 50% de réduction du trafic de stupéfiants? C'est ce que nous disaient nos journalistes du service police-justice. Non, ça c'est les statistiques policiers, c'est les statistiques de leur activité policière. Oui, mais il n'y a pas de corrélation entre les deux. Mais oui, mais évidemment, il n'y a rien d'officiel sur le trafic de stupéfiants. On n'a pas des chiffres officiels, c'est évident. Par essence, c'est... Il y a un truc qui est évident, c'est le ressenti des gens. Celui-là, il est plutôt évident. Oui, vous pouvez dire qu'on s'en fiche, mais non. Ce que je veux dire, c'est que sur le trafic de stupéfiants, il y a quand même eu des évolutions. Il y a des choses qui ont évolué, quand même, des choses qui ont bougé. Et manifestement, d'ailleurs, tous les indicateurs de santé, pour le coup, montrent qu'il y a une augmentation de la consommation de stupéfiants sur le territoire français. Donc oui, ça a évolué. Je suis d'accord avec vous. Pendant qu'on a réprimé de plus en plus la consommation de stupéfiants, quels qu'ils soient, que ce soit de cannabis ou des drogues dures, a progressé en France. Mais donc, alors moi, je vous le dis, cette politique répressive, on n'aurait pas cette politique répressive, la libéralisation, est un échec total. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est un échec total. Et ben moi je regarde ce qui s'est fait par exemple au Portugal. Allez-y. Très intéressant, ils ont dépénalisé l'usage des stupéfiants, pas le trafic, l'usage des stupéfiants. Et du coup ils se sont concentrés, leurs effectifs de police, leurs effectifs de police judiciaire, sur le trafic des trafiquants. Et pendant ce temps-là, ceux qui étaient plus pénalisés, qui n'avaient plus peur de se prendre un PV, de passer au tribunal parce qu'ils consommaient, sont allés voir qui? Des médecins. Et ils n'avaient plus peur d'aller voir des médecins et dire qu'ils consommaient des drogues, etc. On est passé de 100 000 héroïnomanes à 10 000 héroïnomanes au Portugal. Ça, c'est pas des résultats. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je trouve ce débat très intéressant. Oui, c'est intéressant. Allez-y, je crois qu'on a un peu de temps. Je partagerai volontiers votre... volontiers la dernière partie de votre... C'est quelque chose de trop important pour qu'on le traite en une minute. Bien sûr, mais le sujet, il est là, c'est que les trafiquants ne sont pas pour la légalisation du cannabis ou pour la dépénalisation des drogues. Non, mais il faut le dire. Il faut le dire aux gens. Les trafiquants ne sont pas favorables à ça. Et moi, je suis pour emmerder le plus possible les trafiquants, que ce soit par des moyens de police, des moyens de santé publique, des moyens de prévention, des moyens d'éducation nationale, etc. C'est très intéressant. Il y a des évolutions parce que Pierre Bédier, les Républicains, de Mantes-la-Jolie, tout d'un coup, il s'est dit devant l'affaire de Chanteloup-les-Vignes, mais est-ce que la solution n'est pas celle que vous préconisez? Donc il y a des choses qui sont en train d'avancer. Vous savez, on y arrivera de toute façon. Voilà. Alors, mais c'est juste que le plus tôt serait le mieux, parce qu'on s'éviterait un certain nombre de difficultés dans le pays. Troisième sujet qui est au menu de cette actualité, c'est la polémique qui traverse votre mouvement à propos de la manifestation contre l'islamophobie. Alors, je dois dire que j'ai regardé l'appel du CCIF, la principale organisation qui appelle à cette manifestation, et je dois dire, j'ai été absolument sidéré par ce qui est contenu dans l'appel du CCIF, c'est-à-dire ils considèrent que les lois sur le voile... Pas qu'on se déchire, je lis vos bandeaux, parce que je veux... Que la loi sur le voile est une loi islamophobe, donc, en s'associant à ça, vous dénoncez sur l'interdiction des signes religieux... Absolument. Pas et je ne partage pas la communication du CCIF sur le sujet. Mon groupe parlementaire non plus ne partage pas la communication du CCIF. Bah, on ne sait pas participer à la manifestation alors. Je ne sais pas. C'était en discussion ce matin et je ne sais pas ce qu'elle va être la décision de la participation à la manifestation ou pas. Parce que vous savez, le problème, c'est que quand on a participé au rassemblement Place de la République contre les actes d'antisémitisme, souvenez-vous, d'antisémitisme. Vous vous souvenez qu'il y a très bien. Il y a la Ligue de défense juive qui était là. Et qui n'a pas voulu de vous. Pourtant, on était dans la même manifestation qu'eux. Oui, non, mais ça... Non, mais écoutez... Est-ce que je peux, du coup, bien expliquer ça? C'est que, par ailleurs, moi, je suis pas très fan du terme d'islamophobie, parce que je pense que le vrai terme, c'est du racisme anti-musulman. Voilà. c'est du racisme et de la haine anti-musulman. Et le terme islamophobie ne recoupe pas toute cette réalité-là. Aujourd'hui, il y a un fait, c'est que énormément de gens utilisent ce terme pour décrire le racisme anti-musulman et la haine anti-musulman. Voilà, donc je fais le constat de ça. Donc moi, ça me pose pas de problème d'avoir signé cette tribune avec mon groupe parlementaire sur la question de l'islamophobie, de la haine anti-musulman dans ce pays qui est un problème majeur, parce que c'est le cas. Oui, il y a des tas de musulmans et de musulmanes françaises et français qui se font agresser, insulter dans la rue, qui se font regarder de travers parce qu'ils ont une barbe, parce que le ministre de l'Intérieur a dit que si on avait une barbe, on était suspect, etc. Et que c'est insupportable. C'est peut-être un petit peu caricatural. Ben, c'est pas si caricatural que ça. C'est pas si caricatural que ça. Et d'ailleurs, des tas de gens sont angoissés dans le métro. Non, mais ça a fait du mal, la société de vigilance, quand Christophe Castaner l'a évoqué. Ça a fait du mal. Et donc, du coup, oui, je déplore que, on nous amalgame avec des gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord sur la vision que nous défendons de la laïcité. Moi, je ne suis pas pour remettre en cause la loi de 2004. D'ailleurs, la France insoumise non plus. C'est pas dans notre programme et c'est pas prévu à l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Après, là où il ne faut pas nous emmener non plus, c'est que je ne suis pas non plus sur la position de Jean-Michel Blanquer expliquer que quand un petit garçon donne pas la main à une petite fille à l'école, c'est qu'il y a un signe de radicalisation. Vous voyez quand même qu'il y a des, bon, il y a des frontières à pas dépasser dans tout ce genre de débat. Donc si on peut être un pôle à un moment donné de stabilité, de point de repère sur le sujet, Jean-Michel Blanquer, mais l'idée qu'un petit garçon puisse refuser de serrer la main d'une petite fille à l'école, moi je trouve ça choquant. Ben, vous savez, ça dépend des âges, parce que moi, j'en ai un petit garçon, et des fois, les filles, c'est bou, caca, il faut pas toucher, etc. Ouais, c'est... Bon. Donc, bon, d'accord. Non, mais, vous savez, tous ceux qui ont des enfants savent quand même de quoi je parle. Et du coup, c'est pas... Les petites filles qui veulent pas donner la main aux petits garçons, il y en a aussi beaucoup. Vous voyez? Est-ce qu'elles sont en train de se radicaliser? Voilà, j'en sais rien. D'accord. Non, mais c'est vrai. Ça nous fait sourire. Heureusement que ça nous fait sourire, mais. Sauf que, vu avec des yeux différents de la société de vigilance et dans une paranoïa, et parce qu'il y a eu un fait divers, un attentat grave, etc., on va finir par se dire, ah bah oui, mais peut-être que parce que ses parents, peut-être qu'ils pratiquent l'islam. Revenons. Donc, je ne veux pas qu'on tombe dans un truc de dingo là-dessus, qui fait que derrière, il y a toute une partie de la population française qui est stigmatisée, pointée du doigt, et qui vit dans une forme de souffrance. Je pourrais vous rejoindre sur l'idée qu'effectivement, sans compter Bayonne, il y a une partie de la population qui est stigmatisée. D'ailleurs, j'ai trouvé très inquiétant le sondage du JDD paru il y a dimanche, il y a 8 jours. Et pour lesquels, pour 80% des Français, l'islam était la religion musulmane était incompatible avec les lois de la République. Et je trouve très inquiétant que 80% de nos compatriotes pensent ainsi, alors que la plupart des musulmans vivent de façon quiète et tout à fait en harmonie avec les lois de la République. Néanmoins, il faut se méfier des gens avec qui on manifeste. La vraie difficulté, c'est qu'on a découvert une partie des gens avec qui ont co-signé l'appel au moment où il était publié. Voilà. Donc, un problème. Pour vous, Hugo Bernalicis, vous ne vous associez pas au présupposé à la communication du CCIF. Mais c'est pour ça que quand vous dites LFI se déchire, on ne se déchire pas du tout. On est d'accord entre nous. C'est la question. Je vous le dis. Donc, il faut changer le bandeau. C'est, je sais pas ce qu'il faudrait mettre, mais. C'est quoi? C'est. Tension, là, comme le dit le Figaro? Non, tension, il n'y a pas de tension. Non, mais pareil, on a eu une discussion ce matin en réunion de groupe, de facto, sur le sujet, et il y a. Enfin, c'est pas de tension. Il y a un débat rationnel entre nous. Il y a une discussion sur le terme d'islamophobie ou pas. Et on est un certain nombre, mais moi je le pense, on a perdu une bataille sémantique sur le sujet. Vraiment. N'empêche que ça ne doit pas nous détourner du fait, de ce que je vous pointais, qu'une grande partie de nos compatriotes musulmans et musulmanes dans ce pays sont stigmatisés et que c'est un problème majeur. Et que si on laisse faire ça aller plus loin, c'est pas une attaque à Bayonne qu'on aura. C'en sera d'autres. Et d'ailleurs, il y en a certainement eu d'autres. Et que la DGSI communique bien plus sur les attentats islamistes des que sur les attentats d'extrême droite déjoués. Merci beaucoup, en tout cas, Hugo Bernalicis. Ça, on n'en sait rien. On va vous laisser responsable de vos propos parce que nous, on n'en sait rien du tout. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas, sur le plateau du Club Le Châtelier. Rosine, à demain. À demain. Pascal Perry, tout de suite. Je vivais à l'écart de la place publique, serein contemplatif,

L'écologie, c'est la bataille qu'il faut mener activement. Pour cela, on a besoin d'un média indépendant qui décrypte les enjeux, relaie les luttes et parle des solutions possibles. Pour nous aider financièrement, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. On connaît tous Fukushima, Tchernobyl, Three Mile Island. Mais connaissez-vous Saint-Laurent-des-Eaux ? Saviez-vous que la France a connu deux des accidents nucléaires les plus graves ? Deux accidents qui ont débouché sur des rejets radioactifs dans l'environnement, notamment du plutonium dans la Loire. Un premier accident il y a 50 ans en 1969, le second en 1980. Deux accidents restés longtemps méconnus, jusqu'à ce que des journalistes finissent par les mettre au jour. D'abord via le magazine Le Point en mars 2011, puis dans une enquête de spéciale investigation sur Canal+. Alors Romédia en a voulu reconstituer les faits, histoire de fêter le cinquantenaire. Je prends la décision de quitter le gouvernement. Make our planet great again. Pour comprendre, on s'est rendu sur place. On a suivi Daniel, un ancien salarié de la centrale. J'étais là pendant l'incident de Saint-Laurent 2, en étant opérateur. Donc j'ai vécu l'incident quand même de près. Là, c'est les réfrigérants de Saint-Laurent 2. Le réacteur, il est à l'intérieur de la partie grise, qu'on voit qui est hexagonale. C'est ici que le plutonium aurait été déversé. Alors qu'à l'extérieur, personne ne savait ce qui se passait dans le réacteur, Daniel était dans la salle de contrôle en 1980, au moment où la centrale rejette dans le fleuve les éléments les plus radioactifs. Du plutonium, faut bien qu'il soit rejeté quelque part. Ah non, vous en doutiez. Vous aviez l'information directement ou... Bah oui. Ouais. Ok. Ouais, j'ai... C'était pas un secret, quoi. Pour moi, c'est pas un secret. L'extérieur, le fait a été annoncé comme un incident. Mais ça, c'est le discours, je dirais, habituel des autorités d'EDF. En tant qu'employé, au moment de l'accident, on l'a vécu comme une catastrophe. Comment pouvait-on réparer ? Comment pouvait-on intervenir ? Il y a énormément de questions qui se sont posées. En 2019, qui est au courant ? Qui connaît l'histoire de Saint-Laurent-des-Eaux ? Pas grand monde. Certains chercheurs et des militants antinucléaires tentent de faire connaître le passé de cette centrale. À Orléans, un forum du cinquantenaire est organisé. Et ce déni va générer très rapidement une religion d'État. Thierry Gourvenec, l'organisateur de l'événement, est l'un des experts que nous avons rencontrés. Je découvre à l'occasion de Fukushima et d'Internet, Internet ça a joué un rôle très important, l'article du Point, et je découvre que j'ai vécu 18 ans à Orléans, à 30 km d'une centrale où il y avait eu deux accidents du même niveau que Three Mile Island. Et j'en avais jamais entendu parler. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce pays où on est capable de cacher des accidents de cette importance ? Comment, moi, médecin, j'ai jamais pu avoir accès à des informations de cet ordre-là, alors qu'il est évident que pour mes collègues médecins généralistes, c'est essentiel de connaître l'origine possible d'un cancer, parce que ça induit des comportements de santé publique évidents. On va prévenir la population, on va donner des conseils, on va dire aux pêcheurs, pêchez à vos risques et périls, mais ne mangez pas, par exemple. Vous voyez ? Mais ça n'a jamais été dit. Jamais. Absolument jamais. Que s'est-il passé exactement ? Pour comprendre, petit retour en arrière, on vous explique. D'abord, en 1969, une mauvaise manipulation entraîne la fusion de 50 kg d'uranium au cœur du réacteur graphite, gaz A1. Au lieu d'avoir, comme à Tchernobyl et Fukushima, une masse très importante de combustible qui sont en fusion, là, vous avez une masse réduite. Mais quand vous êtes à proximité de cette masse réduite, c'est la même chose. En 1980, rebelote. Cette fois, une plaque se décolle, tombe dans le réacteur et bouche les tubes, ce qui entraîne une nouvelle fusion, engendrant des rejets radioactifs sous forme gazeuse et liquide, dont du plutonium dans la Loire. Le plutonium dure des dizaines de milliers d'années. Donc effectivement, que l'accident ait eu lieu en 1969 ou en 1980, ou actuellement, si ça se reproduisait, les conséquences sont quasiment les mêmes. Le plutonium reste là, il est extrêmement dangereux, même s'il peut être évidemment transporté par la Loire, en l'occurrence. Ça fait qu'on se retrouve dans l'environnement avec des particules extrêmement nocives. Il y avait combien de kilos de plutonium ? Tout ça, on ne sait pas. Ça fait 50 ans que toutes ces questions n'ont jamais été soulevées, n'ont jamais été interrogées, n'ont jamais été détaillées, jamais. Y aurait-il une omerta ? Est-ce que cet accident reste méconnu suite aux efforts de l'industrie nucléaire pour garder ses secrets intacts ? Globalement et historiquement, les médias français, que ce soit la presse écrite, audiovisuelle, radio, sont des médias naturellement pro-nucléaires. Il n'y a pas de grand complot là-dedans, mais c'est vrai qu'on a intégré en France que c'était un bienfait. Et donc, naturellement, pendant des années, les journalistes ne se sont pas posés de questions sur ce qui se passait réellement dans le secteur. Les autorités à qui on a confié la science des radiations et la soi-disant protection radiologique des populations ne sont pas légitimes puisqu'elles sont hors contrôle. Elles sont autonomes depuis le début. Une autorité qui n'est pas contrôlable ne peut pas avoir une communication légitime. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils auront toujours raison. Dans les années 70, pour convertir les Français et les élus, et d'abord les élus au nucléaire, il y avait une cellule spécialisée qui organisait une communication de masse incroyable pour convaincre les Français d'adopter le nucléaire et d'être favorables au nucléaire. Prenez Lubrizol, c'est une communication de crise tout à fait analogue et tout à fait, comment dire, standard. Toute crise de ce genre qui touche à l'environnement et à la santé des populations est gérée par le gouvernement de cette façon-là. Ils le disent, il y a un incident. Ils minimalisent, ils minorent absolument. Ils ne cachent pas, mais ils minorent d'une telle manière que les journalistes se font bluffer, les élus se font bluffer. Et c'est rien. En fait, c'est rien du tout. Il est marqué quelque chose qui est assez troublant, qu'on a rejeté du plutonium directement dans la Loire. C'est quand même pas grand-chose. C'est du plutonium. Oui, mais enfin... Mais c'est interdit. Oui, bien sûr. C'est pas bien, mais c'est pas bien, mais c'est pas grave. Ça, c'est ça que vous voulez dire. C'est illégal. Ensuite, à la diffusion de l'enquête de spéciale investigation, la ministre de l'écologie et du développement durable a commandé un rapport pour savoir ce qu'il en était concernant la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Le rapport, lui, dit pas grand-chose, si ce n'est que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a dès lors souhaité que ces deux accidents soient étudiés aussi bien au niveau de leur cause, de leur gestion, que de leurs conséquences et de la communication au public. Et dit plus loin que les rejets essentiellement gazeux relatifs à ces deux accidents étaient effectués sans dépasser les limites qui étaient alors imposées. Donc un rapport qui finalement dédouane complètement EDF. L'administration était en particulier consciente que l'arrêté interdisant à partir de décembre 1980 les rejets d'émetteurs alpha ne pouvait pas être immédiatement respecté. Toujours suite à la diffusion de l'enquête de spéciale investigation, le réseau Sortir du nucléaire a envoyé une lettre au ministère de l'écologie en posant ces questions. Du plutonium qui a été déversé dans la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe, combien s'est accumulé dans les sédiments? Combien reste présent sur les bords du fleuve? Et quel est l'état de la contamination de la faune et de la flore? Des questions restaient sans réponse. Suite au reportage de Canal+, dans lequel le PDG d'EDF de l'époque, Marcel Boiteux, reconnaît que le plutonium a été rejeté délibérément, volontairement dans la Loire, je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions des pouvoirs publics. Or, il n'y en avait pas. Et donc, avec mon association, l'Observatoire du nucléaire, nous avons décidé de déposer une plainte. Donc, il y a eu toute une enquête qui a été menée. Et malheureusement, donc, la justice a considéré que l'affaire était classée. Selon certaines interprétations, la réglementation de l'époque était assez ambiguë et floue. Donc, EDF et le nucléaire en France est dans l'impunité la plus totale. Toutes ces découvertes remettent en cause des croyances sur le nucléaire qu'on imagine si sûr, si sécurisé. Alors vous vous doutez bien qu'on a pas mal de questions à poser à EDF. Sans réponse à nos demandes d'interview, on s'est rendu près de la centrale, on s'est garé sur le parking et on a rappelé le service presse. Je vous explique. Déjà, pour les avoir, il faut être patient. Ah. Non. Bonjour, merci de patienter. 8 minutes. Alors on patiente. On est déjà à 15 minutes d'attente sur le standard du service presse d'EDF. Et il fait très froid sur ce parking. Puis quand ça décroche, il faut argumenter avec le service presse. Oui, allô ? Oui, allô ? Bonjour ? Allô, oui, bonjour. J'ai contacté à la base pour une demande d'interview. Et j'ai vraiment insisté, j'ai appelé plusieurs fois. Je crains malheureusement que dans les délais qui sont des routes, ça ne soit pas possible, mais bien entendu, je vérifie d'abord. Ok. Alors qu'on espère mettre la pression sur EDF, des gendarmes arrivent. Visiblement, notre présence dérange. Le nucléaire, un sujet sensible. Bonjour. On a le droit d'être ici, parce que c'est un espace public. Non, non, mais ouais, c'est la caméra. C'est la caméra. Donc on t'envoie toutes les identités, la carte de presse, le véhicule, tu passes tout ça, puis on attend. Finalement, on n'aura pas d'interview, mais un mail. Dans son mail, EDF nous répond que

d'âme un quinquennat. Il rêve de la chambre et même du Sénat. Chaque nuit en avare, il recompte les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau, pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote, tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Et est-ce qu'on ne veut pas tuer la protection sociale? Moi, ça, j'en ai bien peur. Demain, il n'y aura plus de droit syndical, puisque tous les délégués vont être virés. Par cette méthode-là, il y a moyen de virer tout le monde, quoi. L'inspection du travail, c'est la police des employeurs, contre les patrons voyous, contre les infractions, et pour faire respecter le droit du travail républicain, l'état de droit dans l'entreprise. Avec Mme Pénicaud, l'inspection est considérée comme de la piétaille, dont il faut se débarrasser parce qu'elle gêne les employeurs. Ils sont délégués syndicaux, délégués du personnel, élus du comité d'entreprise. Leur rôle, protéger les travailleurs et faire respecter le droit du travail. Ce que nous allons vous révéler, c'est comment le ministère piétine le droit du travail pour donner son aval aux employeurs en autorisant le licenciement de ses salariés au statut particulier contre l'avis de l'inspection du travail. Nous allons vous raconter le parcours de Jean-Christophe Dugalex, délégué syndical CFE-CGC. Pendant près de 10 ans, il a été ingénieur de formation en informatique au sein du campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, le CESI. Qu'est-ce qui a bien pu être reproché à M. Dugalex? J'ai signalé des faits aux autorités d'utilisation de fonds qui ne me paraissaient pas conformes. Et suite à ce lancement d'alerte, il y a une demande d'autorisation de licenciement qui a été faite à l'inspection du travail. L'inspecteur du travail a répondu en expliquant à l'employeur que j'étais lanceur d'alerte et que donc le licenciement était impossible, totalement interdit même. Suite à l'avis de l'inspection du travail, qui refuse d'autoriser le licenciement, la direction de l'entreprise engage ce qu'on appelle un recours hiérarchique. En gros, elle demande au ministère du Travail d'annuler la décision de l'inspection du travail et d'autoriser lui-même le licenciement. Le ministre, une fois qu'il a reçu la demande de l'employeur, a 4 mois pour décider. Et donc, si au bout de 4 mois, il n'a pas donné de décision, on considère qu'il refuse l'autorisation de licenciement. C'est donc ce qu'on appelle la décision implicite. C'est la règle qui prévalait jusqu'en 2016. Mais pourquoi le ministère du Travail accorde-t-il à l'employeur le droit de licencier un employé plusieurs mois après la décision implicite de rejet? Selon Jean-Christophe Dugalex, c'est son statut de délégué syndical qui a conduit le ministère du Travail à autoriser son licenciement. De façon très étrange, un peu partout en France, vous avez des délégués syndicaux dont le dossier fait par l'inspection du travail, fait par la direction du travail, refuse le licenciement et explique qu'il ne peut pas y avoir licenciement puisque les faits ne sont pas là. Et il y a un cabinet au sein du ministère du Travail qui agit en sous-main pour la ministre du Travail en vous envoyant une lettre recommandée plusieurs mois après en vous disant « je vais peut-être revenir sur ma position ». Le cabinet dont parle Jean-Christophe Dugalex, c'est la Direction Générale du Travail. Depuis 2014, elle est dirigée par Yves Strioux, un ancien inspecteur du travail. Mais alors, pourquoi choisit-il d'accepter le licenciement d'un salarié alors que toutes les demandes de l'employeur ont été rejetées? Après plusieurs tentatives, le cabinet d'Yves Strioux avait dans un premier temps accepté de nous répondre pour se rétracter ensuite, invoquant la réserve préélectorale. Curieux. Ce que ne vous dira pas Yves Strioux, du coup, c'est qu'en fait, la Direction Générale du Travail utilise des articles de loi mis en place en 2016. À partir du 1er janvier 2016, il y a une application que fait la ministre du Travail, enfin du moins les services de la Direction Générale du Travail, utilisent un artifice juridique avec un article du code de relations du public et de l'administration Le droit administratif vient casser le droit du travail. Ce tour de passe-passe, c'est l'article 211-2 introduit au Code des relations entre le public et l'administration par ordonnance en 2015. À l'époque, le ministère du Travail signe Myriam El Khomri. Le droit administratif est sciemment utilisé pour contrevenir au Code du Travail. Ce que la DGT vous dira encore moins, c'est ce qui motive qu'elle aille au-delà d'une décision de justice. Antonio Manfredi, ingénieur en informatique et père de 3 enfants, a été licencié de son entreprise dans les mêmes conditions que Jean-Christophe Dugalex. Sauf que dans son cas, la Cour des Prud'hommes a condamné l'employeur pour discrimination syndicale. C'était en 2015. Pourtant, en 2017, la DGT finit par autoriser son licenciement. Mais alors, à quoi sert l'inspection du travail qui est censée protéger les salariés? Gérard Filoche est sûrement l'inspecteur du travail le plus célèbre de France. Il a exercé au sein de l'administration pendant 25 ans. Il a vu petit à petit cet organe indépendant perdre de son autorité. Le Code du travail s'applique aux employeurs, et que d'un certain point de vue, l'inspection du travail, c'est la police des employeurs. Il en existe une, comme dans tous les domaines, et elle est là pour contre les patrons voyous, contre les infractions, et pour faire respecter le droit du travail républicain, l'état de droit dans l'entreprise. Ça, c'est la définition de l'inspection. Avec Mme Pénicaud, l'inspection est considérée comme de la piétaille, dont il faut se débarrasser parce qu'elle gêne les employeurs, et elle parle de droit, alors que bon, faudrait faire de l'emploi, n'est-ce pas, et peu importe dans quelles conditions. Et puis, donc l'inspection n'est plus respectée, n'a plus la même autorité qu'elle pouvait avoir dans les décennies précédentes. Cette impression que les délégués syndicaux sont visés par le ministère du Travail, notre ancien inspecteur n'est pas le seul à l'avoir. Gérald Delecor est inspecteur du Travail en Normandie. Et selon lui, les décisions du ministère sont motivées par les liens que peuvent avoir certains politiques avec les chefs d'entreprise. On a des décisions qui sont complètement politiques. On peut bien évidemment citer la question de la chemise d'Air France, on peut citer le cas de Gaël de Sud PTT. On a quelques dossiers comme ça qui mettent en évidence qu'un certain nombre d'entreprises ont des clés d'entrée directement au cabinet du ministre. Et donc là, on a des décisions qui sont directement politiques, qui sont souvent illégales en droit, mais en tout cas, elles permettent d'évincer au moins temporairement le temps de la procédure des militants syndicaux actifs, mais aussi ça donne effectivement un message à d'autres militants syndicaux actifs effectivement de limiter des fois leur intervention ou leur action militante sous menace effectivement du licenciement pour faute disciplinaire. Nous avons également essayé d'aborder avec la Direction Générale du Travail la question de ces décisions politiques. Nous n'avons évidemment eu aucune réponse. Alors, les salariés protégés sont-ils réellement dans le viseur du ministère? Selon le ministère du Travail, dans un document datant de 2017, les demandes de licenciement ont augmenté de 0,7% entre 2010 et 2014. Cela paraît peu, mais il existe aussi depuis 2010 de nombreux cas de rupture conventionnelle. Plus grave encore, selon Gérald Lecor, de plus en plus de fonctionnaires fuiraient les services de l'inspection du travail. Une chose est sûre, si aujourd'hui la cible, ce sont les salariés protégés, à plus long terme, ce sont bien les travailleurs qui pourront en payer le prix. Merci d'avoir regardé ce programme. S'il vous a plu, mettez des pouces bleus, commentez, partagez. Et pour nous soutenir, cliquez là-dessus. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Bon, alors c'était un amendement qui demandait au gouvernement à ce que l'on ne touche pas à l'AME comme étant une ligne rouge. Et je voudrais profiter de la défense de cet amendement pour répondre à ce qu'a dit la ministre tout à l'heure. Tout à l'heure, Madame la ministre, vous avez dit qu'il y avait eu des propos fortement exagérés, y compris de notre banc, j'imagine, et qu'il fallait arrêter avec fantasmes. Alors, nous avons parlé de politique criminelle tout à l'heure. Je vais juste vous rappeler quelque chose qui sort des fantasmes et qui sont les chiffres, les faits. En 2012, l'Espagne a restreint l'accès aux soins aux personnes migrantes, aussi sur cette prétendue tourisme sanitaire, qui d'ailleurs est un mensonge lorsqu'on regarde vraiment les faits. C'est d'ailleurs dans le rapport de Mme Caroline Fiat. Qu'est-ce qui est résulté de ce tourisme sanitaire qui a restreint l'accès aux soins aux migrants? Une augmentation du taux de mortalité au sein de la population migrante de 15%. Eh bien oui, ça s'appelle une politique criminelle. Et je remarque quand même, avec surprise, enfin pas tellement de surprise, que vous avez quand même une indignation à géométrie variable lorsqu'il s'agit de la fraude. Parce que lorsqu'on regarde la fraude, ce n'est pas seulement sur les migrants que vous vous en prenez. On parle toujours des assistés, de la fraude sociale. Alors je vais rappeler des chiffres qui font du bien de rappeler. La fraude sociale, c'est 4 milliards d'euros. La fraude patronale, c'est 16 milliards d'euros. La fraude fiscale, c'est 80 à 100 milliards d'euros. Et la vérité, c'est que vous vous attaquez aux plus faibles de votre pays. Parce que vous refusez qu'on s'attaque aux riches qui refusent la solidarité nationale, qui refusent qu'il y ait des politiques de solidarité. Et c'est exactement comme à l'extrême droite. Vous divisez le pays en pointant les plus faibles de votre pays pour qu'on ne voit pas que vous avez rendu l'ISF aux plus riches, que vous avez rendu des cadeaux aux plus riches et que c'est eux qu'il faudrait faire payer aujourd'hui. Monsieur le Président, messieurs, je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer, je ne dis pas amoindrir, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre, une maladie du corps humain. La misère peut donc disparaître comme la lèpre a disparu. Oui, oui, détruire la misère est possible. Et nous devons y songer sans cesse, gouvernant comme législateur, car en pareille matière, tant que le possible n'a pas été fait, le devoir n'est pas rempli. Non, vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de nous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé peuvent être sans asile. Vous n'avez rien fait tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Vous n'avez rien fait. Rien fait, messieurs. Cessez votre émolo, vous n'êtes pas au théâtre. Aussi, messieurs, je ne peux vous laisser affirmer que dans les temps de troubles comme ceux que nous vivons, la force est tout, et que toute mesure sociale serait du socialisme déguisé. On n'a jamais dit cela. C'est de la calomnie. Silence, s'il vous plaît, silence. Une société de progrès, messieurs, ne peut reposer sur la souffrance publique, sur un système d'aumône qui dégrade celui qui la reçoit. Il faut remplacer l'aumône par l'assistance qui fortifie celui qui en bénéficie. Comment peut-il dire de telles choses, Pierre? L'aumône est une vertu enseignée par l'Église. Bien sûr. Bravo. Silence, s'il vous plaît, silence. Qui est-ce? Messieurs. Louis Veuillot, le rédacteur du journal de Montalembert. Et n'oublions pas, messieurs, que ces avancées sociales font partie du programme sur lequel a été élu le président de la République. Revue de presse. Tarifs à l'hôpital dans les Vosges. Facture salée pour les Vosgiens. Selon une étude de la Mutualité française, le département a le triste privilège d'être le deuxième département où le reste à charge à la sortie de l'hôpital est le plus élevé de France. Il est de 426 euros par an et par patient, contre 155 euros dans le Haut-Rhin voisin. Ah, tiens. Appelons bien, Napoléon III crée les tirailleurs sénégalais. C'était le 21 juillet 1857. Eh bien, heureusement qu'il a créé les tirailleurs sénégalais, et peut-être par la suite les tirailleurs marocains, algériens, tunisiens, etc. Parce que en 1914 et en 1940 et en 1944, on a eu bien besoin d'eux. Beaucoup besoin d'eux. Ah oui, et des enfants de Tchernobyl à un mariage émouvant en Ukraine, Jean-Paul et Josiane Moulin reviennent tout juste d'un séjour, pas comme les autres, en Ukraine. Ils sont partis début octobre assister au mariage de Katia, la petite fille qu'ils ont accueillie en vacances pendant 10 ans avec l'association Les Enfants de Tchernobyl. Alors se souvenir de Tchernobyl, ne pas oublier Tchernobyl. Quand on parle de Bure dans la Meuse par exemple, eh bien il faut penser aussi à Tchernobyl. Et toutes les autres centrales nucléaires françaises et autres. Emmanu et Emmaüs, 70 ans d'accueil inconditionnel. La Lorraine compte 3 communautés Emmaüs, le mouvement créé par l'abbé Pierre en 1949. 1949, vous entendez? Installée à Peltre, près de Metz, Forbach et Vandœuvre-lès-Nancy, elles accueillent quelques 160 compagnons, jusqu'à 15 nationalités sont représentées. Dans les HLM, longtemps prisé des classes moyennes. Alors, qu'est-ce que c'est que les classes moyennes? Eh oui, il faut tracer un cercle autour du terme classe moyenne pour délimiter le secteur concerné. Les HLM sont désormais les logements les plus pauvres. Une paupérisation qui dit beaucoup de l'évolution de notre société en un demi-siècle. Le tiers des locataires de HLM vivent sous le seuil de pauvreté. Le tiers sous le seuil de pauvreté, c'est beaucoup plus que la moyenne française, 14%. Surtout, c'est bien davantage que par le passé. En 1973, seuls 12% des occupants de locataires HLM, de logements HLM, il aurait fallu écrire peut-être, j'ai lu bêtement ce qui était marqué sur le journal, mais ça ne veut rien dire, occupants de logements HLM vivaient sous le seuil de pauvreté, selon les chiffres de l'Union sociale de l'habitat. Union sociale de l'habitat, des termes qui vont bien ensemble, mais il faudrait que la théorie soit semblable à la pratique, et inversement, et réciproquement. Gaune, comment le piège s'est refermé? Il y a un an, la police japonaise a arrêté le PDG de Renault-Nissan à sa descente d'avion à Tokyo. Un livre enquête apporte un éclairage sur le piège tendu à un homme qui paye sa démesure. Ah tiens, y a-t-il d'autres hommes qui se sentent démesurés, en dehors des mesures de la normalité? Des hommes politiques, chefs d'État et autres. Hein, oh, en cherchant bien, on en trouvera bien quelques-uns. La régénération du tunnel de Vanémont est en cours. Vous voyez, un grillage, une ossature en acier tort, soudé, etc., cintré, plaqué. Et puis ensuite, un crépi qui va enrober tout ça et le tunnel sera consolidé. Voilà, et oui, qui vivra verra. Hein, les éoliennes Nestlé mises en service avec le parc des hauts chemins. Neoen opère dans la région Grand Est plus de 100 mégawatts de capacité éolienne et prévoit de doubler ses capacités d'ici fin 2022. Voilà. Les bonbons des Vosges à la conquête de New York. Ah bon? Eh ben oui, parfois. Ouais. Nouvelle menace contre Macron. Nouvelles interpellations. Les investigations se prolongent autour du projet d'attentat visant le président Macron. Un an après le premier coup de filet, le RAID et la DGSI, Direction Générale du Renseignement, de la Sécurité Intérieure, ont interpellé cette semaine, notamment à Bouzonville, des personnes susceptibles d'avoir été au courant des dessins criminels supposé du groupuscule. Les Français gagnent plus. Les mesures du gouvernement ont apporté du pouvoir d'achat aux ménages, surtout les plus modestes. mais le mouvement a mis en lumière les fractures sociales et territoriales sur lesquelles les Français attendent les réponses. Le climat reste tendu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le journal. Et le journal, c'est connu. Le journal, il dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ingrid Levavasseur, candidate aux élections municipales à Louviers. C'est le mépris de classe que je ne supporte plus. Voilà. En une phrase, elle a dit beaucoup de choses, Ingrid Levavasseur. C'est le mépris de classe que je ne supporte plus. L'huile de palme divise la majorité. Eh oui, ils ont voté une motion à je sais pas quelle heure de la nuit, à 30 ou 50 ou 60 qu'ils étaient à l'Assemblée nationale. Voilà. Et puis le lendemain, le Premier ministre, en prenant ça, il a dit quand même, il faut pas exagérer, l'opinion publique, elle va nous tomber dessus à bras raccourcis. Alors il a dit qu'il fallait revoter. Alors bon, apparemment, ils ont voté dans l'autre sens, la deuxième fois. Bon. La centrale biomasse a livré ses secrets, près de 5 ans après sa mise en service. Et alors que le réseau de chaleur urbain continue de s'étendre, les spinaliens étaient invités à entrer dans les coulisses de la centrale de cogénération, biomasse de Razimont, gérée par Engie Cofeli. Engie Cofeli. En termes élégants, ces choses-là sont dites, aurait dit l'autre. La chute du mur de Berlin, dignement fêtée par les élèves. Voilà. Ils ont fêté la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin en 1945, hein, le 7 mai, 8 mai 1945, sans doute. Hein. Ah oui, bah, bien sûr. Alors, petites annonces, offres d'emploi. Eh bien, voilà, des offres d'emploi, il y en a une sur toute la page. Rencontres diverses, demandes d'emploi, voyances, travaux publics, machin, chose, achetez et vendez vos matériels, cours et leçons, il y a une offre d'emploi, c'est un comptable. Si vous êtes comptable et que vous cherchez du travail, eh bien voilà, il y a une offre d'emploi pour, sur toute la zone de diffusion de Vosges Matin, une offre d'emploi. Ah, mais nos élus, ils ne servent pas à rien, qu'est-ce que vous croyez? Eh oui, on vote pour eux. C'est pour qu'ils soient vitules, comme dirait l'autre. Bien sûr. Et la lutte contre le chômage, c'est leur job. Ah oui, leur job. Job à l'air. Le colonel Olivier Lapré, commandant de la base aérienne 133, a mis un terme à sa carrière cet été. Libéré de ses obligations, il se glissera dans la peau de prof de maths ou d'histoire pour continuer à servir et transmettre. Voilà. Ben oui, ou se reconvertir. Un tableau en souvenir de novembre 1944. Cette toile, la supplique de Saint-Dié, est affichée à l'hôtel de ville depuis 2014. C'est un tableau de Robert Georges, en l'honneur des gens qui ont subi le 15 novembre 1944 et tous les événements qui ont suivi et les événements qui ont précédé. 24 portraits de martyrs de la résistance, victimes du nazisme, frappent les esprits. Ben oui, il faut que ça frappe suffisamment les esprits et les électeurs, de manière à ce qu'ils ne votent pas n'importe comment les électeurs, pour qu'on ne revoie jamais ça. Eh oui, parce que souvenez-vous qu'en 1933, Hitler est arrivé au pouvoir par les élections. Eh oui. Et grâce à quoi? Eh bien, grâce au chômage et à la misère. Voilà. Alors, bon, il y a 60 millions, il y a 6 millions de chômeurs en France pour 60 millions d'habitants. Il y a 10 millions de pauvres pour 60 millions d'habitants en France actuellement. Toute ressemblance avec des faits anciens, etc., évidemment, est purement fortuite. La roue de l'histoire ne fait pas un tour complet. Chaque fois, elle ne revient pas à son point de départ. Non, elle ne rejoue pas la même histoire, l'histoire. La fille cachée de Louis XIV. Eh oui, la fille cachée de Louis XIV. Eh ben, elle est mignonne, elle est sympa. Hein. Et elle est noire. Ah, il y en a que ça va gêner. Eh ben, pas moi. Les anti-Dreyfusards passent à l'action. La publication de l'article d'Émile Zola demandant la révision du procès du capitaine Alfred Dreyfus va marquer le début d'une période d'agitation en France. Les Vosges ne sont pas épargnées dans ce contexte de tensions nationalistes et d'instabilité politique liée aux scandales et aux mouvements sociaux. Alors c'était le 13 janvier 1898, hein, pas en 2019, hein. Non. Le 13 janvier 1898. L'histoire, elle ne peut pas se jouer, l'histoire. Non, jamais. Même en changeant un peu le nom des personnages, des acteurs principaux. Non, l'histoire, elle va de l'avant, l'histoire. Ah oui, elle ne recule jamais. Elle ne fait pas jamais de surplace, l'histoire. Sous le titre « J'accuse », Émile Zola publie le 13 janvier 1898 dans le journal L'Aurore une lettre ouverte adressée au président de la République, Félix Faure, dénonçant l'injustice faite au capitaine Alfred Dreyfus, condamné pour espionnage au profit de l'Allemagne. Condamné à tort pour espionnage au profit de l'Allemagne. C'était un autre qui était responsable de ces genres d'actions. Cet article porté par la renommée de son auteur va être le départ de réactions violentes dirigées contre la communauté israélite. Ben, c'est tellement plus facile de s'en prendre à une communauté. Hein, surtout une communauté minoritaire. Mais bien sûr, c'est tellement pratique. Tellement facile. 5 arrestations pour trafic de cannabis dans l'Ouest vosgien. Ah bon. Le Trip Advisor du service public aujourd'hui ouvre un nouveau site permettant de connaître les performances de vos services publics, mais aussi de les étudier par des notes, de les évaluer, pardon, par des notes. Présentation en avant-première pour notre journal. Oui, on va mettre des notes. Tiens. oui, le facteur aujourd'hui, il est passé à 9h05. Hier, il était passé à 9h03. Ah, bon, c'est peut-être qu'il avait plus de courrier à distribuer aussi. Bon, hôpital, Le Point. Manque de moyens financiers et humains. Le malaise des hôpitaux publics est profond. Eh ben oui, ça fait un certain temps qu'on le savait. Et qu'on était de plus en plus gênés, de plus en plus fâchés. Défense de l'hôpital public, le système est à bout. C'est un autre titre d'un autre journal, d'un autre jour, toujours Vosges Matin. Quelle place attribuer au cinéma art et essai à Remiremont? Point d'interrogation. Eh bien, on le saura bientôt. Les fondations ont presque commencé à débuter. L'armistice commémoré dans son nouvel écrin. Alors, il est écrit, Remiremont et environ, Vosges Matin du jeudi 14 novembre 2019, à la page Éloi Histoire, l'armistice est commémoré et eux. Alors c'est une armistice à Éloi. Dans le reste de la France, on dit un armistice, mais à Éloi, on dit une armistice. Bon. Allez, petites annonces encore. Jeudi 14 novembre 2019. Eh ben, il n'y a pas d'offre d'emploi du tout. Il y a une demande d'emploi, mais il n'y a pas d'offre d'emploi du tout. Par contre, les rencontres agences matrimoniales, ça c'est une affaire qui marche. Hein. Ouh, si vous êtes chômeur, eh ben montez une agence matrimoniale. Eh ben tiens, c'est le moyen de faire fortune et puis d'avoir du boulot en même temps. Gilets jaunes, une quarantaine de procédures judiciaires en un an. Oui, et la procédure judiciaire lancée contre Sarkozy, contre machin, truc, bidule, etc. On n'en parle plus. On est en train de les oublier peut-être. Alors, Michel Padoux, porte-parole des Gilets jaunes. Il est important de se faire entendre au municipal. Ouais. Anticor dépose plainte contre Claudie Pruvost. L'avocat de l'association Anticor vient d'envoyer un courrier au parquet d'Épinal afin de déposer plainte contre la conseillère départementale Claudie Pruvost. Marcel Claude, administrateur d'Anticor, estime que l'association ne peut pas être mise de côté dans ce dossier qui sera bientôt jugé. Voilà. Alors, dernier article, parce que, le temps passe. La précarité tue. Sociale, contestation. Le mal s'accroît depuis des décennies. Les étudiants dénoncent un coût et des conditions de vie jugées de moins en moins supportables. Alors, les étudiants et les chômeurs. Le chômage aurait tué l'an dernier environ 14 000 personnes. 14 000 morts. 14 000. Vous vous rendez compte? Ils peuvent être fiers, nos gouvernants, nos chefs, nos élus. Mais madame, je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. Cher Emmanuel, nous te rendons hommage, car cette année, tes cadeaux nous ont vraiment gâtés. Il n'attendait pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. Non, tu n'es pas le Père Noël, Emmanuel. Pour nous, les ultra-riches qui faisons notre fortune au détriment des plus pauvres, tu es l'élu.